إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous poursuivons cette série de cours intitulée Pour un Ramadan réussi. Et aujourd'hui, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir et apprendre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de prière nocturne. La prière nocturne qui fait partie, sans aucun doute, des prières, des œuvres et des prières les plus méritoires, celles qui rapprochent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par les prières nocturnes, Allah subhanahu wa ta'ala élève son serviteur en degré. Il lui pardonne ses péchés, expie ses fautes. Et notre prophète alayhi salatu wassalam était assidu dans les prières nocturnes. Et ceci depuis qu'il a reçu la révélation de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nombreux sont les versets qui encouragent à accomplir cette prière nocturne et démontrent ses nombreux mérites. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé d'immenses récompenses pour celui qui prie la nuit. Et le mérite de la prière nocturne est plus grand pendant le mois de Ramadan qu'en dehors de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme le rapporte Al-Bukhari Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wassalam encourageait à prier la nuit pendant Ramadan. Et il disait, alayhi salatu wassalam, « Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. » Celui qui prie pendant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. La prière de Tarawih fait partie de Qiyam al-Layl, fait partie de la prière nocturne et entre dans ces prières voulues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Elles ont été appelées les prières de Tarawih car les gens se reposaient après avoir accompli deux raka'at, deux unités de prière, car les prières qu'ils accomplissaient étaient longues. Les prières de Tarawih sont une sunna fortement recommandée. Al-Bukhari et Muslim rapporte, selon Aisha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une nuit, pria à la mosquée. Puis des gens ont prié avec lui alayhi salatu wassalam. Le lendemain, il pria une nouvelle fois alayhi salatu wassalam à la mosquée et les gens étaient plus nombreux. Ils étaient même très nombreux. Ils se sont réunis la troisième ou la quatrième nuit, dit Aïcha radiyallahu anha, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Car les appartements du prophète alayhi salatu wa sallam étaient limitrophes à la mosquée. Au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à eux en disant « Ra'aytu alladhi sana'tum, falam yamna'ni min al-khuruj ilaykum, illa anni khashitu an tufrad alaykum. » Il s'est adressé à eux alayhi salatu wa sallam en leur disant « J'ai vu votre rassemblement d'hier soir. La seule raison m'ayant empêché de sortir est la crainte qu'elle ne devienne pour vous obligatoire. » C'est-à-dire que cette prière nocturne devienne pour vous obligatoire. Et ceci a eu lieu pendant Ramadan. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam ont accompli la prière de Tarawih après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. Le mieux est donc de l'accomplir en groupe et à la mosquée. Il dit sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, il lui sera inscrit la prière d'une nuit entière. C'est donc une sunna fortement recommandée et il n'appartient pas aux musulmans de la délaisser. Quant au nombre de raka'at de cette prière de Tarawih, est-ce que le nombre de raka'at des prières de Tarawih est défini? Est-ce qu'il y a une limite? Est-il autorisé de prier plus que 11 raka'at? La réponse est que les savants sont quasi unanimes sur le fait que le nombre de raka'at de la prière de Tarawih n'a pas de limite et que c'est un sujet qui est vaste et qu'il est autorisé aux musulmans de prier même plus que 11 raka'at. Il y a de nombreuses preuves dans cela. Et la preuve la plus authentique et sur laquelle se reposent beaucoup de savants est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'un homme est venu questionner le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était sur le minbar. Il lui a dit « Ma tara fi salati al-layl » Il s'est adressé au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant « Ma tara fi salati al-layl » Que dis-tu au sujet de la prière nocturne? Il a répondu alayhi salatu wassalam « Mathna mathna fa'idha khashiya subha salla wahida fa'autara lahuma salla » Qu'il prie deux unités. Et lorsqu'il craint que l'heure du subh arrive, alors qu'il accomplit une unité de prière qui sera pour lui un witr. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve que la prière de nuit se fait par série de deux unités de prière. Il y a d'autres façons, mais celle la plus connue est celle-ci. De faire deux unités de prière et à la fin de chaque unité, de faire le taslim et de prier deux autres unités, deux autres raka'at. Et ce bédouin a questionné le prophète alayhi salatu wassalam sur le minbar. Et le prophète alayhi salatu wassalam a donné cette réponse sans fixer de limite et sans déterminer un nombre de raka'at à ne pas dépasser. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé une limite dans le temps, c'est-à-dire jusqu'à l'heure de salat al-subh, jusqu'à l'apparition de l'aube véridique, comme on l'a vu dans les cours précédents. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé une limite, mais une limite temporelle, et non une limite en termes de nombre de raka'at. Et quant au hadith de Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle dit ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره. عائشة رضي الله عنها a décrit la prière nocturne du prophète عليه الصلاة والسلام en disant que le prophète صلى الله عليه وسلم ne dépassait pas, ne faisait pas plus de 11 raka'at pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Les savants ont dit que عائشة رضي الله عنها relate ici une adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait chez lui. Et c'est un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette prière nocturne que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, les gens ne la voyaient pas. Et c'est pour cela notamment que c'est Aïcha radiyallahu anha, son épouse, l'une de ses épouses, qui a donné ces détails au sujet de la prière nocturne du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et les savants disent que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus du minbar, au vu et au su de tous, est la règle. C'est-à-dire que le nombre de raka'at de la prière de nuit n'a pas de limite en termes de nombre de raka'at. Et la preuve également est que les compagnons, radiyallahu anhum, ont accompli la prière de Tarawih en dépassant le nombre de 11 raka'at. Lorsque Omar, radiyallahu anhum, a réuni les gens, après la mort d'Abu Bakr, il a demandé à Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhum, de présider la prière de Tarawih. Et au début, il priait 11 raka'at. Mais c'était 11 raka'at qui étaient longues. Qui était très longue, au point que les gens étaient amenés à s'appuyer sur des cannes pour supporter le fait de rester longuement debout. Et lorsque Omar radiallahu anhu a vu que cela était une contrainte pour les gens, il a demandé à Ubay ibn Ka'b de prier non plus 11 raka'at, mais 20 raka'at, afin qu'elle soit mieux supportée par les gens. Et d'autres compagnons, radiallahu anhum, qui ont prié plus que 11 raka'at, comme cela est rapporté dans de nombreux recueils de hadith. Et d'autres savants ont dit que tout dépend de la longueur, de la lecture, de la longueur de la prière. Plus la prière est longue, il est mieux de réduire le nombre de raka'at. Ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait 11 raka'at, c'était des raka'at qui étaient longues. La lecture du Coran, la récitation du Coran était longue. Le ruku' était long. Le sujoud était long. Et ainsi de suite. Quant au mérite de la prière nocturne, il y a de nombreux versets et hadiths qui démontrent l'immense mérite et l'importante récompense qu'Allah Azzawajal réserve à celui qui prie la nuit. Allah Azzawajal a fait l'éloge de celui qui prie la nuit lorsqu'il dit Azzawajal dans Surat al-Sajda « Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'ouna rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqoun » فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ils délaissent leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir, et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Et il dit عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils dormaient peu la nuit. Ils dormaient peu la nuit, aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a notamment ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit, en lui disant « Ya ayyuha al-muzzammil, qum il-layla illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila, awzida alayhi wa rattilil qur'ana tartila. » Ô toi qui t'enveloppes, c'est-à-dire dans tes vêtements, passe la nuit en prière, sauf une petite partie, la moitié, un peu moins ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ » عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Il s'est, subhanahu wa ta'ala, une nouvelle fois, une autre fois adressé à son prophète, alayhi salatu wassalam, en lui disant et consacre une partie de la nuit à des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en t'accordant une position de gloire, al-maqam al-mahmoud, qui sera accordée au prophète, alayhi salatu wassalam, le jour dernier. Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de ceux qui prient la nuit en disant أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Est-il semblable à celui qui passe ses nuits en prière, prosterné et debout, craignant le châtiment de l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur? Dis, ceux qui savent sont-ils semblables à ceux qui ne savent pas? N'en tirent des exhortations que ceux qui sont doués de raison. Et quant au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il y a le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu rapporté par l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wassalam a dit: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Le meilleur des jeûnes après le jeûne de Ramadan est le jeûne durant le mois de Muharram, et la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière nocturne. Et le Bukhari et Muslim rapportent que le prophète عليه الصلاة والسلام s'est rendu une nuit chez sa fille Fatima radiyallahu anha. Et il leur a dit notamment, alayhi salatu wassalam, ala tusalliyan, ne priez-vous pas? Jabir radiyallahu anha rapporte en disant, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, il y a un moment dans la nuit durant lequel Allah azza wa jal accorde aux musulmans tout ce qu'il aura demandé parmi les biens de ce bas monde et de l'au-delà durant ce laps de temps. Inna fil layli sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alu Allah khayran min amri ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika fi kulli laylah. Et ceci se répète chaque nuit. Et Muslim rapporte, l'imam Muslim rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Idha mada shatru al-layl aw thuluthah, yanzilu Allah ila as-sama'i ad-dunya fa yaqul: Man sa'ilun fa yu'ta? Hal min sa'ilin fa yu'ta? Hal min da'in fa yustajabu lah? Hal min mustaghfirin fa yughfaru lah?" Hatta yanfajir as-subh. Il dit alayhi salatu wassalam, lorsqu'arrive la moitié de la nuit, ou lorsqu'il reste le dernier tiers, Allah azza wa jal descend au ciel le plus bas et dit, y a-t-il un demandeur afin de lui donner? Y a-t-il un invocateur afin de lui exaucer? Y a-t-il un repentant afin de lui pardonner? Et ainsi jusqu'à l'apparition de l'aube. La prière nocturne est un moyen concret d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiyallahu anha nous illustre cela comme le rapporte Al-Bukhari Muslim lorsqu'elle nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam priait la nuit au point de fendiller la plante de ses pieds alayhi salatu wassalam. Et elle lui disait, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah a pardonné tes péchés antérieurs et tes péchés futurs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait, afala akunu abdan shakura, n'ai-je pas le droit d'être un serviteur reconnaissant? Ainsi, parmi les formes de reconnaissance à Allah azza wa jal, parmi les plus nobles formes de reconnaissance à Allah Azza wa Jal, la prière nocturne. Et cela nous démontre de façon claire que les œuvres pieuses, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, font partie de la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, ce n'est pas seulement avec la langue, mais c'est une reconnaissance par le cœur, en attribuant ses bienfaits dont nous jouissons à celui qui nous les procure, subhanahu wa ta'ala, par nos langues, en reconnaissant et en proclamant les bienfaits d'Allah azza wa jal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, et proclame les bienfaits de ton Seigneur, puis par tous les membres du corps, en les utilisant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit donc suivre les pas du prophète alayhi salatu wassalam dans ce domaine de la prière et accomplir des prières nocturnes sans se lasser, car nous devons avoir à l'esprit que nos jours sont comptés et que notre temps de vie s'amenuise petit à petit et finira un jour ou l'autre par expirer. En plus de ces nombreux mérites, la prière nocturne comporte également de nombreux bénéfices. Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, a dit concernant la prière nocturne, la prière nocturne est privilégiée par rapport à la prière de jour, car elle est plus propice à être accomplie en secret, et donc à l'accomplir avec une intention pure, mais aussi parce qu'elle est plus contraignante pour les gens, car la prière nocturne intervient au moment du sommeil et du repos. La récitation durant la prière nocturne est plus réfléchie, car la personne n'est plus perturbée par des occupations mondaines ou autres. Son cœur est entièrement dirigé vers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est également le moment dans lequel le serviteur est proche de son Seigneur Azza wa Jal. Les portes du ciel s'ouvrent, les invocations sont exaucées, et c'est le moment pendant lequel le Seigneur Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel le plus bas. Parmi les bénéfices de la prière nocturne, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nul doute que le croyant et la croyante sont récompensés dans leur suivi et dans leur imitation au prophète de l'islam alayhi salatu wa sallam. Cela apporte également de nombreux bénéfices pour la santé, que ce soit pour le cœur, pour le système immunitaire, pour le cerveau, pour le dos et bien d'autres bénéfices dont en tire profit notre santé. Et il est connu que le visage de ceux qui prient la nuit est souvent radieux. Voici donc quelques bénéfices de la prière nocturne en général et de celle accomplie pendant Ramadan en particulier. À nous maintenant, mes frères et sœurs, à nous de retrousser nos manches et de ne pas ménager nos efforts pour prier la nuit lorsque les gens dorment, pour s'adresser à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et l'invoquer avec crainte et espoir. Parmi les causes qui aident le musulman et la musulmane à accomplir la prière nocturne, il y a le fait de réduire la quantité de nourriture que l'on consomme le soir. Le grand savant Wahb ibn Munabbih a dit « Laysa min bani Adam ahabba ila shaytanihi min al-akul al-nawwam. » L'être humain le plus aimé de son diable est le grand mangeur, le grand dormeur. Et l'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah disait « Alaykum biqillati al-akl tamliku qiyam al-layl. » Diminuez votre nourriture, la prière nocturne vous appartiendra. Parmi les causes qui aident à accomplir la prière nocturne, la sieste durant la journée, et plus particulièrement après la prière du dhuhr, de céder de la sieste en journée pour accomplir la prière de nuit. Et Anas, radiyallahu anh, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qilu » فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ. Siestez, car les diables ne siestent pas. Parmi les causes qui facilitent l'accomplissement de la prière nocturne, le délaissement des péchés et des désobéissances à Allah Azza wa Jal. Car les péchés et désobéissances sont destructeurs et sont un rempart à l'accomplissement des bonnes œuvres. Un homme s'est adressé à Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, en lui disant « Ya Abu Sa'id, ô Abu Sa'id, je dors en bonne santé, j'aime la prière nocturne, je prépare même l'eau de mes ablutions, mais pourquoi je ne me lève pas ?» Al-Hasan al-Basri lui répondit « Tes péchés t'ont ligoté, dhunubuka qayyadatka, tes péchés t'ont ligoté. » Et l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit « Et écoutez bien cette parole de l'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah. Hurrimtu qiyam al-layli khamsata ashhur bi sabab dhanbin adhnabtu. Qila wa ma hu? Qala ra'aytu rajulan yabki fa qultu hadha mura. Il dit rahimahullah, j'ai été privé de la prière nocturne 5 mois durant à cause d'un seul péché que j'ai commis. Il lui a été dit: « Et quel est-il ? » Il répondit « J'ai vu un homme pleurer et j'ai dit « Il fait cela par ostentation. » Allahu Akbar. Regardez nos salafs, nos pieux prédécesseurs, ce qu'ils considéraient comme un péché d'une gravité telle qu'il les privait et qu'il était un obstacle pour l'accomplissement, contre l'accomplissement de la prière nocturne. Que dire de notre situation à nous ? Plusieurs siècles après ces nobles musulmans que sont nos pieux prédécesseurs. Qu'Allah Azza wa Jal nous couvre de sa miséricorde et qu'il pardonne nos péchés et nos erreurs. Parmi les causes également qui aident à accomplir la prière nocturne, le fait de ne pas veiller après la prière de l'Isha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait dormir avant la prière du Isha et détestait discuter après celle-ci. Le fait de veiller jusque tard le soir est l'une des raisons, si ce n'est la raison principale, pour ne pas prier la nuit. Et enfin, l'un des meilleurs moyens et le plus efficace pour accomplir la prière nocturne, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, d'invoquer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'aide, afin qu'il te donne la force, afin qu'il te facilite l'accomplissement de la prière nocturne. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque, qu'il réponde à mon appel et croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا لقيام الليل. اللهم اجعلنا ممن يقوم الليل والناس نيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.